Yeah, you know, R2, atomique. Écrire pour exister, frérot. Les Ulysse Mulhouse. On est Al. Yeah. 91-68. Dans ta gueule. Right. Enfin. C'est le millésime, poteau. Yeah. J'ai plongé dedans un soir d'hiver, à une heure où tout le monde hiberne. Une faille, un bic et je me libère de mes instants de morale en berne. Oppressé dans mon cocon, je devais m'extérioriser. Grâce à mes vers, j'ai l'air moins con, je me dois de les populariser. Mais pas facile de se faire une place dans cette industrie musicale. Elle est remplie de chaînes de la casse, qu'on peu de conscience grammaticale. Plus jeune, je me suis nourri de classique, car plus composer mon art. Comprends ma plume mélancolique quand je vois signer tous ces connards. Et j'ai beau me tuer à la tâche, raté me remplira pas les poches. Mes supporters, c'est ça qui fâche, je rap, je n'ai pas leur même approche. Éduqué par des médias qui sont de moins en moins crédibles. Moi, pour avoir mon planète rap, frérot, je dois faire un crédit. Paradoxal, mais ici, le talent n'est pas proscrit. Voici ma vie sur manuscrit. Et si j'écris, c'est que ma proscrit. J'ai répondu à son appel, car je pouvais pas lui résister. Écoute ma rime, elle est trop belle, c'est elle qui me permet d'exister. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés, ça nous empêche pas de persister. Donc on vient les refister afin que nos sons puissent subsister. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés. Ça nous empêche pas de persister, donc on vient les refister afin que nous sommes plus subsistés. J'écris pour exister, car un jour on va disparaître. Personne t'écoute, c'est normal, tu dis de la merde. Nique sa mère, tu persistes et personne te signe. Sûrement parce que tu changes ta vie comme deux slips. Ici c'est deux spi, casse-toi si tu veux me ralentir. Je te garantis que pour les teutres je suis pas sensible. Pas d'à peu près, désolé mais je vise droit dans le mille. Y'a que la mort qui peut m'empêcher de les voir grandir. Mon stylo tombera jamais en panne. Dédicace à mes remparts. Allez remballe ton histoire, je m'en bats les reins. On n'a pas la gueule de l'emploi, on ressemble pas à des princes. Mon écriture a fait des marmots que j'ai pas reconnus. C'est pas de ma faute, je peux le jurer sur les petits de la commune. Dis pas de conneries, tu pourrais te faire péter la rotule. R2 et atomique sur la prod, ça va te faire mal au cul. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés. Ça nous empêche pas de persister, donc on vient les refister afin que nos sons puissent subsister. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés. Ça nous empêche pas de persister, donc on vient les refister afin que nos sons puissent subsister. Ça plane toujours sur l'approche, j'ai 32 fois le tour du monde. C'est toujours la même méthode, l'écriture se veut profonde. Incisives sont les métaphores et peu importe si elles blessent. Veux une 4 roues, tout confort, je m'en tape de faire des politesses. Non, j'ai pas eu la vitesse, mais crois-moi que je connais la hesse. Smicard à 28 ans, nique sa mère, mon BTS. Poète des temps modernes, j'suis Molière avec une skatecar. Dans mon crâne, la plume gouverne, elle est meilleure que celle de Niska. J'ai besoin de ça pour me sentir libre, mes lignes, mes pages deviennent des livres. Primordial à mon équilibre, ça me soulage dans mon mal de vivre. Et même si j'aime cette mélodie, je ne prends aucune conciliation. Hardcore et ma mélancolie, rester vrai mon obligation. Trop hip-hop, je mets la barre haute, on n'a pas les mêmes objectifs. Ils veulent briller, sont prêts à tout, suceurs de beat, leur adjectif. Je sais pas si le millésime sera bon, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai. Écrire ça, aller faire du rap, croyez-moi c'est tout ce que j'aime. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés. Ça nous empêche pas de persister, donc on vient les refister afin que nos sons puissent subsister. Écrire pour exister, mais aussi pour résister. Quand on voit le rap, je suis attristé. Permettez-moi d'insister, même si nos blasts sont blacklistés. Ça nous empêche pas de persister, donc on vient les résister afin que nos sons puissent subsister.